Si on adopte la perspective chinoise qui prévaut encore en histoire du livre ou des imprimés, une conclusion semble s'imposer. L'empire du milieu a inventé à la fois la typographie et le papier, qui se sont ensuite répandus en Corée et au Japon, avant que les caravanes des marchands arabes, en empruntant les routes de la soie, ne rapportent ces techniques en Europe au XVe siècle. Dans cette vision d'une Chine dominant intellectuellement le monde civilisé, Gutenberg est au mieux un contrefacteur doué, au pire un escroc méritant le châtiment suprême. Rappelé par nos interlocuteurs chinois lors du premier congrès organisé à la Bibliothèque nationale de Pékin en 2005, afin de comparer les histoires du livre occidental et asiatique, ce plaidoyer pro-domo n'a guère convaincu que ceux qui, lecteurs d'Étiamble ou admirateurs inconditionnels de la Chine, refusent d'admettre que l'invention de Gutenberg fut d'abord une technologie de fondeur de métaux, alors qu'en Chine, c'est avec des caractères en bois ou en porcelaine que l'on imprima des livres au début du XIe ou du XIIe siècle, et que seule la circulation du papier d'Asie en Arabie, puis en Italie, est un fait véritablement avéré. Ce matériau pouvant servir à fabriquer des livres manuscrits bien avant qu'ils ne sortent des scriptoria des XIIIe, XIVe siècles pour passer dans les ateliers des premiers imprimeurs européens. Dresser la carte de la dispersion des imprimeries en Europe à l'époque de ce qu'on appelle les incunables, les livres imprimés entre 1455 et 1500, permet de vérifier le bien fondé d'une approche transnationale en matière d'histoire du livre. De Mayence à Strasbourg et Paris, Venise et Vienne, Londres et Naples, Madrid, Copenhague, La Haye ou Prague, la tache d'huile se répandit à la vitesse de l'éclair, modifiant en profondeur les habitudes des hommes, facilitant la propagation des langues vernaculaires au détriment du latin et la circulation de la Bible aux grandes dames de l'Église catholique romaine. Elisabeth Eisenstein a étudié cette révolution de l'imprimé à l'aube des temps modernes et Jean-François Gilmont soulignait les multiples liens entre la réforme, les réformes plutôt, et le livre. Même si depuis la publication en 1982-1986 de l'histoire de l'édition française, les histoires nationales de l'imprimé dans les îles britanniques, aux États-Unis, au Canada, en Australie se sont multipliées, on voit qu'à l'origine, l'histoire du livre épouse la géographie de l'une des premières mondialisations, celle qui accompagna les grandes découvertes et les premiers voyages de circumnavigation, et qu'elle ne s'est en quelque sorte nationalisée qu'à l'issue de compétitions intellectuelles dans lesquelles les luttes de pouvoir entre chercheurs américains, britanniques et français ou entre métropoles et ex-colonies ont évidemment joué un grand rôle. Premier point de mon exposé, recherche des sources, l'imprimé religieux, un des instruments de la mondialisation du XVIe au XXIe siècle. La Bible à 42 lignes imprimée par Gutenberg demeure aujourd'hui le vivant symbole d'un nouvel art de faire et la preuve que le livre ne subit pas au début de mutations majeures en passant de l'atelier des moines copistes à celui des fondeurs de caractères, des typographes et des ouvriers pressiers. Pour l'amateur inexpérimenté, la différence est à peine perceptible entre cette Bible imprimée en caractère en plomb et une autre Bible recopiée à la main et enluminée quelques années plus tôt. Toutefois, dès 1517, l'imprimé religieux allait devenir l'objet d'une intense guerre entre catholiques et protestants, luthériens, calvinistes bientôt, et disciples de toutes les réformes, s'affrontant à coups de pamphlets, de libelles, de brochures, de livres et de catéchismes qui inondent alors le continent européen. S'appuyant sur la progression des langues vernaculaires, les Bibles en français, en allemand, en tchèque, en slovaque se répandent un peu partout avant que l'Église catholique, au Concile de Trente, ne tente de mettre en œuvre son propre plan de reconquête des âmes. Parallèlement à l'apparition d'une géographie européenne de l'imprimé religieux, une autre bataille se livrait à l'échelle planétaire. Les congrégations catholiques missionnaires se vouant au Nouveau Monde à une œuvre, missionnaire évidemment, qui allait perdurer jusqu'à nos jours. Avec l'arrivée des jésuites en Asie, au Japon, en Chine, au Vietnam, Rome essaie véritablement d'imposer au monde sa conception de l'univers et d'enrayer les progrès de l'islam en prenant l'islam à revers. Avec l'apparition et la consolidation des empires coloniaux, l'Amérique du Nord se donnera au protestantisme, le Québec excepté après l'échec du Canada français, tandis que l'Amérique du Sud se donnait au catholicisme, l'Asie demeurant très largement soumise au bouddhisme, au taoïsme et à l'islam. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Afrique sera à son tour inondée de bibles ou d'imprimés religieux par les nombreuses missions londoniennes, parfois genevoises. Une chercheuse, Isabelle Hofmeyer, dans un essai remarquable sur la diffusion de Pilgrim Progress de Bunyan en plus de 200 langues, cette chercheuse a révélé combien cette progression en Afrique s'est opérée au prix de multiples adaptations, chaque ethnie se voyant proposer son voyage du pèlerin compatible avec ses horizons d'attente. Au même moment, un livre abolitionniste et protestant, celui d'Elizabeth Bisher Stowe, La case de l'oncle Tom, connaissait une diffusion planétaire. Les industries du livre et celles du spectacle se relayant pour faire connaître l'œuvre ou ses personnages. Loin de s'arrêter à la fin du colonialisme, la mondialisation de l'imprimé religieux a continué après 1960. L'islamisme militant et missionnaire des années 1980-1990, pour ne pas dire 2000 et 2010, prenant le relais des religions en perte de vitesse ou essoufflé et tentant d'imposer à son tour à l'univers Saveltan Shaoum. Vous voyez que l'historien prend un peu de distance et voit les phénomènes finalement avec beaucoup de sérénité. Une religion remplace l'autre, mais la religion qui domine ne sait pas qu'elle-même sera remplacée par une autre un jour. C'est la conclusion de l'historien. L'historien qui, naturellement, de ce point de vue-là, n'entre pas à l'intérieur des religions. Bien que l'imprimé militant, républicain, socialiste puis communiste, dans toutes ses variantes, léniniste, stalinienne, puis maoïste, ne relève pas stricto sensu de cette catégorie, le livre religieux, il ressemble pourtant par trop de traits à l'imprimé messianiste et missionnaire pour qu'on ne propose pas de l'inclure dans cette première approche de la mondialisation de l'imprimé. Les batailles du livre du XXe siècle épousant par bien des aspects les anciennes croisades du livre. La déferlante du petit livre rouge du président Mao qui laissait Roland Barthes et Philippe Solaire pétrifiés d'admiration, mais pas moi, ne doit pas faire oublier d'autres manœuvres tout aussi impressionnantes, la CIA américaine et les fondations des États-Unis ayant fait traduire dans les années 1960 à 1980 les économistes libéraux américains en espagnol, en portugais puis en arabe afin de limiter ou d'enrayer la progression du marxisme et celle des penseurs de gauche dans les pays émergents ou en proie à des luttes de pouvoir stratégiques, je pense notamment à l'Égypte. J'en viens à mon deuxième point. Après l'imprimé religieux, au sens le plus large du terme, vous voyez que pour ne vexer personne, j'y ai inclus l'imprimé de type politique. Deuxième point, l'imprimé scolaire, les dictionnaires et l'encyclopédie à l'assaut du monde. Ce n'est pas un hasard si les premiers empires du livre, construits par des hommes d'affaires entreprenants, furent le fait d'instituteurs. Louis Hachette et Pierre Larousse en France, Thomas Nelson en Écosse, Noah Webster aux États-Unis, Fritz Payot en Suisse romande, Frédéric Norstedt en Suède et bien d'autres en Italie ou dans le reste du monde. Du manuel scolaire aux dictionnaires et aux encyclopédies, cette capacité à décliner le savoir sous toutes ses formes s'illustre de cette manière-là. Toutefois, c'est l'expansion de ces empires d'édition et leur transformation en groupes géants implantés un peu partout dans le monde qui nous intéresse ici. Larousse ayant fait des petits au XXe siècle, au Canada, au Mexique, au Brésil ou en Argentine, pays dans lesquels, je pense à l'Argentine de Gustavo, jusqu'aux années 1960, beaucoup de manuels scolaires étaient la reproduction à peine adaptée des livres de classe produits en France pour des petits écoliers français. Les empires coloniaux, eux aussi, reçurent leur cargaison de manuels fabriqués dans les métropoles et achètent, comme Larousse pour l'Empire français, Oxford et Cambridge University Press pour la Grande-Bretagne, inondèrent le monde de leur production. L'encyclopédie, par sa capacité à offrir une vision structurée et structurante du savoir, joua sa partition dans cette mondialisation. Et aucun empire colonial ne fut en reste dans cette compétition. L'Encyclopédia Britannica se taillant la part du lion dans ce struggle for life d'un genre évidemment particulier. Les dons plus ou moins intéressés, en général beaucoup plus intéressés que moins, des États ou des fondations, dons de livres, dons de collections, de revues savantes ou d'encyclopédies, ces dons servirent, après 1918, d'auxiliaires précieux à la mondialisation du savoir répandu via la langue anglaise. Les travaux de Ludovic Tournès ont prouvé, au grand étonnement de certains lecteurs, que jusqu'en 1937 incluse, l'Union soviétique de Joseph Staline acceptait l'envoi des revues médicales américaines imprimées en anglais et que c'est via cette langue et dans l'optique des médecins et des savants américains que les médecins et les savants soviétiques furent formés jusqu'en 1937 incluse, avant qu'en 1938, le stalinisme triomphant ne commence à s'inquiéter de cette incursion des fondations américaines dans son imperium. Au-delà de cet éclairage sur une des racines, pas la seule évidemment, de la domination de la langue anglaise et de la science américaine sur le monde des revues diffusées par voie électronique qui assurent aujourd'hui les profits des géants de l'édition mondiale, Reed Elsevier, Walters Kluwer et Thomson Reuters notamment, on voit à quel point les routes de la mondialisation du savoir épousèrent largement celles des États. La lutte pour l'extinction de la tuberculose, de la fièvre jaune ou d'autres fléaux était le but visé initialement par les grandes fondations américaines, la Rockefeller, la Carnegie et d'autres. Mais ces fondations comprirent très vite qu'elles pouvaient dépasser ces objectifs, la philanthropie n'excluant évidemment ni la course au leadership, ni plus tard les rivalités imposées par la guerre froide. Troisième et dernier point, la circulation des imprimés et la mondialisation de la culture à l'heure des groupes de communication. La presse, les magazines, les revues furent massivement diffusées à l'intérieur des empires, qu'ils soient coloniaux ou culturels, au XIXe et au XXe siècle. Et la constitution, après 1960, de groupes géants aspirant à diffuser leur production partout dans le monde, compléta ce dispositif. Si on regarde les 12 premiers groupes d'édition mondiaux aujourd'hui, on voit que l'éducation demeure l'une des bases les plus solides de leur domination. Le manuel scolaire, la revue scientifique électronique et le livre technique, scientifique, économique et juridique offrant via l'anglais des débouchés quasi planétaires. À côté de ces majors que sont Pearson, Reed Elsevier, Walters Kluwer, Thomson Reuters, des groupes tels que Bertelsmann, Hachette ou Grupo Planeta ont fait de la fiction un des vecteurs de leur rayonnement. Le but étant de décliner dans les principales langues rentables, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, les productions plus ou moins standardisées, mais pas uniquement celles-ci, de leur groupe. La popularisation des 6 volumes de Harry Potter est dans tous les esprits. Gallimard étant parvenu à convaincre les parents des préadolescents de faire la queue jusqu'à minuit devant la porte des librairies pour obtenir la primeur du tome 5 des aventures de leurs héros, ce qui évidemment a fait bondir tous les pédiatres et tous les psychologues de France et de Navarre. Un simple regard sur les piles de livres offerts aux lecteurs dans les aéroports du monde entier, de même que dans les principales chaînes de librairie des grands pays industrialisés montre l'évidence de la mondialisation dans le domaine des best-sellers. Qu'il s'agisse du Da Vinci Code, de la dernière biographie faisant du président Mao un grand consommateur de jeunes secrétaires au féminin, ou du dernier livre de Salman Rushdie, écrivain anglophone beaucoup plus qu'indien, le marketing et les plans com des majors tentent de persuader chaque consommateur qu'il doit absolument acheter et éventuellement lire ce produit de leur industrie. Décliné ensuite à la télévision, au cinéma, sur le web, ces fictions ou ces storytelling sont censés faire la démonstration que la planète est un village, que la globalisation a uniformisé les goûts et les désirs des consommateurs et que l'univers est en train de ressembler peu ou prou à celui qu'avait imaginé Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes ». Même s'il y a loin de la coupe aux lèvres et si les pratiques culturelles des Indiens de l'Amazonie sont à 100 lieues des pratiques culturelles des jeunes Chinois, iPhone, iPad et autres tablettes font des mangas japonaises des succès planétaires ou du dernier film des studios de Walt Disney une attraction universelle. Dans ce domaine aussi, par conséquent, on observe depuis les années 1850 qui virent la mondialisation de la case de l'oncle Tom et du comte de Monte Cristo, en passant par Autant en emporte le vent en 1938 et Docteur Jivago en 1957, une mondialisation de la fiction qui aujourd'hui passe par la valorisation poussée à l'extrême de la world littérature au détriment de la Weltliteratur ou de la littérature monde en espagnol, français et portugais. Et je conclus dans les 3 minutes qui me restent. Ce rapide survol de phénomènes qui remontent au XVe siècle pour certains, mais qui ont pris une ampleur nouvelle au XIXe puis au XXe siècle, montre que la mondialisation a revêtu des vitesses différentes selon le domaine où elle s'est manifestée et que les temporalités varient en fonction de l'objet de la mondialisation. L'apparition au XIXe siècle d'imprésarios dans le monde des arts du spectacle, et notamment de l'art lyrique, l'apparition de Barnum dans celui du cirque et des tournées offertes aux vedettes internationales, des premières divas jusqu'aux actrices les plus en vue. Rachel n'est pas allée aux États-Unis, mais La Duse ou Sarah Bernard ont fait le voyage jusqu'en Amérique du Sud. Ce phénomène souligne la capacité des industries culturelles du XIXe siècle à faire de la culture de masse et de sa vocation à s'universaliser le support de véritables stratégies planétaires. Buffalo Bill et son Wild West Show étaient à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qui vit la tour Eiffel tenter de remplacer la tour de Babel et jusqu'à sa mort, Buffalo Bill, le colonel William Cody, le patron de ce grand cirque international, parcourut l'ancien et le nouveau monde pour faire de ses aventures un objet de consommation internationale. Popularisé par la firme Eichler de la ville de Dresden en Allemagne à partir de 1906, son épopée indienne fut traduite dans toutes les langues européennes et diffusée en petits fascicules à couverture racoleuse que les adolescents du monde entier lisaient avec passion dans la décennie qui précéda la Première Guerre mondiale et largement dans l'entre-deux-guerres, voire après la Deuxième Guerre mondiale, je puis en témoigner. Qu'il s'agisse des œuvres catholiques, protestantes, très actives, avec les églises évangélistes aujourd'hui, ou musulmanes, la mondialisation des imprimés religieux est, on l'a vu, un phénomène ancien, consubstantiel à la volonté des religions monothéistes d'imposer leur vision du monde aux habitants de la planète. Je sais qu'il y a une part de provocation de ma part de le dire et de le répéter au moment où on manifeste ici ou là, mais le droit à la critique est un droit absolument imprescriptible et il est bon de rappeler un certain nombre de choses. Chacun a le droit naturellement d'avoir les croyances qu'il veut, mais l'observateur, le scientifique, doit être capable de subsumer ses religions, sans naturellement choisir parmi elles, et d'essayer de montrer ce qui leur est commun. Il me semble que ce phénomène est tout à fait consubstantiel à toutes les religions monothéistes. Ces religions sont persuadées qu'elles détiennent la vérité et non pas une parcelle de vérité. Et elles ont fait de la mondialisation l'objectif prioritaire de leur stratégie et de leur plan com. Le Japon, la Chine parvinrent un temps à stopper leur pénétration dans leur imperium, mais Internet et la télévision, surtout la télévision par câble et par satellite, montrent aujourd'hui la présence quasi obsessionnelle de ces frères prêcheurs d'un nouveau genre, auprès de qui François d'Assise ou Dominique, les deux saints pour les catholiques fondateurs de l'ordre des franciscains ou des dominicains, font figure d'analphabètes de la communication. L'imprimé, grâce à sa reproductibilité, fut l'un des vecteurs les plus efficaces de la mondialisation. Et la Bible fut bien avant le Petit Livre Rouge, le premier best-seller de l'histoire de l'édition mondiale. L'illustration s'inséra très tôt dans l'imprimé, pour lui donner plus de puissance attractive. Et les images, pieuses ou laïques, sacrées ou profanes, artisanales puis industrielles, se répandirent dans le monde entier à partir du XVIe siècle. Bien avant que les firmes italiennes ne songent à exploiter ce filon, pour populariser les figurines des footballeurs par exemple, bien avant, on trouvait en Asie ou en Amérique du Sud, sur des paravents laqués du XVIIe siècle, dans le premier cas, des scènes tirées de l'histoire sainte européenne démontrant l'internationalisation précoce de ces visions pourtant historiquement et géographiquement datées. Je vous renvoie aux quatre parties du monde de Serge Grusinski pour de très belles illustrations de ce phénomène. Même s'il faut éviter naturellement de généraliser et d'extrapoler à partir des matériaux conservés dans les musées, ce dernier trait de la mondialisation, ici brièvement évoqué, doit achever de nous convaincre que ce phénomène n'a rien de particulièrement moderne, mais qu'il est le produit d'une évolution pluriséculaire accompagnant le désir des hommes de se rendre, selon le vœu de Descartes, maître et possesseur de la nature. Merci.